envier. Les mauvaises personnes ont eu le temps à dévier de l'amour qui nous affectionne. Chacun vit en lutte contre le monde et quel qu'il soit, du parvis tout azimut de tes vêtements en soi. Se lever le matin pour aller se tuer à la tâche, étudier pour obtenir un bon bulletin ou être lâche. Nous sommes issus d'un monde où règne la concurrence. L'éducation que t'as reçue ne justifie pas tes absences. Dites-moi c'est quoi la vie, je ne comprends plus rien. Trop au encore au suicide, mais où sont les épicuriens? Pourquoi la vie ça fait mal, pourquoi on souffre autant? La preuve dès la naissance, comment pleurent tous les enfants? Ça, on le fait tous. Se regarder dans les yeux n'est pas possible pour tous. Seuls les 10 visages tu les vois, mais pas les étincelles qu'il y a dans le visage de l'appel que tu es. Une injure te fait réagir, puis tu jures sur ta famille. Pas un jour pense mal agir, t'oublies cette alchimie qui te noue à l'amitié de tes potes, de l'amour de tes proches. La vie te ferme ses portes car la haine te colporte. Trop de comportements contre la solitude. Au crépuscule t'entends des reproches de tes attitudes. Je sais c'est agaçant, mais pourquoi tu continues? Faire du mal à ta maman qui t'aime, te voit dans la suétude. T'abandonnes tes études et vis l'apologie de l'ignorance. Le savoir est une arme et là tu construis ta potence. Jusqu'à la fin de tes jours, tu te ronges comme une tumeur. Tu nais, tu vis, mais n'oublie pas qu'à la fin tu meurs. Je m'en fous, je réfléchis, je me sens tellement différent que je vous fouille tellement différent. Je le ressens dans le regard des gens. Je reste indifférent, mais c'est dur d'avancer en ignorant. J'aime pas ce qu'on devient, ce qui nous guette, c'est la fin. Pas besoin d'être devin pour voir que l'on est rien. Je garde les pieds sur terre et je m'envole pas dans les étoiles. Survivre est élémentaire, pour ça qu'on met les voiles. Aimer pour souffrir, se battre pour vivre. Mais pour souffrir, faut aimer. Le plus dur combat est la vie. Certains la détestent, ça se voit. Un visage ne trompe pas, quand je les crois, ça me fait mal. Pourquoi je ne sais pas. Je voudrais d'un monde sans racisme et sans discrimination. Si je prends le mic, c'est pour faire part de mon opinion. L'écoute est accessible à tous, même aux plus démunis. Sachez que l'expression est la seule arme dont on est muni. Face again. So tell me how.